Je voulais juste dire deux affaires avant de continuer. Oui. C'est que là, je pense que je comprends qu'est-ce que tu veux dire par épistémologie puis ontologie. C'est que ton rapport à l'ambiguïté de manière épistémologique, c'est de l'information. C'est à quel point est-ce qu'on sait que l'information qu'on a est exacte? Et exactement, c'est ça. Et quand on parle de le rapport ontologique à l'ambiguïté, c'est tout ce qui est tout le champ intérieur. Donc dans le corps, oui, c'est ça. C'est un sentiment corporel. C'est ça, c'est psychologique, c'est personnel, c'est inscrutable par les personnes extérieures d'une certaine manière. C'est... Oui, c'est ça, exactement. Mais en même temps, si plusieurs personnes ont le même type de sentiment, ils vont avoir un sentiment partagé de l'ambiguïté aussi. Ouais, c'est ça. J'arrive à ce point-là. Juste pour être sûr, épistémologie, ambiguïté, c'est facteur externe. Épistémologie, ontologie, c'est facteur interne. Interne. On peut dire ça, oui. Et tantôt, quand on parlait de comment le rapport des personnes à, mettons, une œuvre culturelle, puis les attentes que les gens ont, mais ces attentes-là vont être différentes pour les personnes, tout dépendant de la culture de laquelle ils proviennent. Absolument, oui. Oui, oui. Donc, l'expérience ontologique de l'ambiguïté devient différente pour chaque personne. Même si épistémologiquement, l'ambiguïté est la même forme d'ambiguïté dans l'extérieur de corps. Exactement. Donc, c'est pas pire. C'est très intéressant. Parce que l'ambiguïté épistémologique, c'est de l'information que tout le monde peut scruter. L'ambiguïté ontologique, c'est le rapport d'une personne à cette information-là, tout dépendant de son vécu, que ce soit sa langue, sa culture, etc., etc. Exactement. Puis là, c'est, comme on peut parler, par exemple, de l'ambiguïté par rapport de comme le rapport de pouvoir avec l'ambiguïté, parce que l'ambiguïté a beaucoup de pouvoir. La personne qui impose l'ambiguïté envers quelqu'un peut imposer un pouvoir, puis peut créer des situations comme ou des sentiments désagréables dans le sentiment de la personne qui expérience l'ambiguïté. Je peux parler par exemple des sentiments des immigrants par exemple qui n'ont pas une réponse claire de gouvernement puis doivent attendre pour avoir une réponse de si leur papier est accepté ou non. Ils sont mis par l'administration de pouvoir dans une situation de limbo, comme en anglais on dit limbo, mais cette situation là c'est un sentiment ontologique de l'ambiguïté par rapport d'une force externe par rapport d'une épistémologie comme une ambiguïté épistémologique. Donc, nous avons une ambiguïté ontologique qui est dans notre corps, le fait qu'on ne sait pas si on peut rester dans ce pays, etc., etc., mais c'est à cause d'une ambiguïté épistémologique qui est comme, par exemple, l'institution d'immigration. Ouais, puis ça me fait juste penser à j'ai écouté une vidéo YouTube politique récemment. Ah sur, oui, ok, ouais. Parle-moi. C'était sur, en gros, les changements climatiques et l'avènement du fascisme un peu. Oui. Puis ce que tu dis en tant que le pouvoir de l'ambiguïté sur comme l'expérience d'immigration. Ben, dans la vidéo que je regardais, c'est apparemment l'Australie a utilisé des genres de comme des simili camps de concentration pour comme immigrants, pour des personnes qui vivaient des situations de comme des crises climatiques, puis ils voulaient comme immigrer en Australie, puis ils ont comme dompé sur une île. Oui, ça existe toujours cette île-là. Ouais, tu sais de quoi je parle. Oui, oui, oui. Je sais exactement de quoi tu parles, oui. Oui, puis ça, c'est comme... Cette situation est vraiment un enfer parce que il y a des gens qui vivent là pendant des années, pendant des décennies. Puis récemment, il y a quelques années, il y a une personne immigrante qui a écrit un livre de ses expériences dans cette limbo, dans cette ambiguïté ontologique, ce que j'ai dit, par rapport de sa vie immigrante dans cette île. C'est un Iranien kurde, je pense, qu'il a écrit un livre qui a eu un grand prix, qui a gagné un grand prix, mais lui, il ne pouvait pas sortir de l'île pour comme recevoir son prix même. Ouais. Puis c'est à noter que, d'après ce que j'ai compris, c'est cette position d'ambiguïté-là imposée aux personnes sur cette île-là, c'était by design. C'est manufacturé pour garder ces personnes-là dans ce sentiment d'ambiguïté-là. Mm-hmm. Infliger une violence à ces gens-là pour les faire retourner dans leur pays puis faire en sorte qu'ils n'émigrent pas en Australie. Oui, donc, oui, absolument. L'ambiguïté en tant que violence. Ben absolument, c'est une force. L'ambiguïté a beaucoup de pouvoir. Comme l'utilisation de l'ambiguïté, par exemple dans mes études, moi je parle de l'ambiguïté de ministre de la culture iranienne par rapport de la musique. Ok, il y a un ministre de la culture en Iran qui doit vérifier toutes les œuvres artistiques qui vont être toutes les œuvres en fait qui vont être publiées ou distribuées publiquement dans le pays. Et cette ministre de la culture n'a aucun bouquin qui dise exactement ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Et donc, c'est une joue entre les musiciens puis le ministre de la Culture. Les musiciens envoient leur musique, le ministre de la Culture dit « Non, c'est pas accepté parce que ça n'accorde pas les valeurs islamiques. » Mais qu'est-ce qui est les valeurs islamiques? On ne sait pas. Les valeurs islamiques changent à chaque décennie. Dans les années 90, les valeurs islamiques étaient ça parce que ça profitait le gouvernement d'une certaine façon. Dans les années 2000, les valeurs islamiques ont changé un peu. Maintenant, on a plus de souplesse par rapport à certaines pratiques musicales. Dans les années 2010, c'est une autre chose. Fait comme c'est toujours. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est d'un côté, puis ça c'est une autre beauté de l'ambiguïté, que comme ça pousse les gens à être plus créatifs dans leur façon de créer, mais ça renforce certains comme incertitudes corporelles dans le corps de musiciens iraniens où ils ne savent jamais à quel point ils vont avoir une réponse de gouvernement. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 10 ans. Puis l'autre côté, c'est que t'es dans le limbo disant que comme le gouvernement dit oui, t'as 6 mois à 10 ans pour qu'on décide sur ton offre. Puis mais on va même jamais dire quand on va décider. Puis l'autre côté, c'est on a aucune comme règle fixe écrit sur un papier qui va déterminer ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté. Fait que ça, c'est une imposition de pouvoir assez fort quand même. Ouais, les fictions militarisées ont tendance à aplanir l'histoire, fait que c'est, on pense, tu sais, un des exemples au cinéma qui vient de sortir tout récemment, Top Gun, Maverick. Ces films-là sont pas possibles sans les investissements massifs de l'armée américaine. C'est pour eux autres, c'est des outils de recrutement et c'est pour avoir l'air bon aussi. Ah, ce qu'on fait, c'est bon. Viens piloter des gros avions. C'est comme un jeu vidéo, man. Tu vas voir, c'est le fun. Mais un bon exemple, c'est les pilotes de drones. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? C'est tellement proche d'un jeu. Pis c'est tellement wrong pour ça, pour toutes les raisons, justement. T'sais, t'as quelqu'un devant un écran qui pilote quelque chose, qui tire sur du vrai monde avec des vraies balles, des vraies bombes. C'est malheureux. C'est malheureux, mais après ça, quand t'es quelqu'un, mettons, que joue à beaucoup de ces jeux-là, mettons, de simulation de vol, etc., t'es vraiment bien placé pour contrôler des choses dans le genre. Oui, malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. T'sais, autant qu'on a des petits jeux totalement anodin, genre Candy Crush, ça. Qui, là, je sais, il pourrait peut-être avoir une métaphore militarisée qui pourrait être faite avec ça, mais, mais tu sais, c'est vraiment abstrait, mais après ça, t'as des choses vraiment, vraiment directement, qui viennent plutôt directement de cette relation-là entre jeux vidéo et armée, qui est pas toujours là, mais qui est assez fréquente. Mais l'histoire du jeu vidéo ou l'évolution du jeu vidéo, là, elle a été beaucoup propulsée par ça. C'est dans Digital Play, il me semble, qu'il appelle la masculinité militarisée. Là. On a des gros fantasmes de puissance là, qu'on donne aux joueurs, puis c'est des personnages masculins super forts qui vont être baveux là, avec les autres personnages faibles. Puis on a plein de gars. On regarde Contra, là, les gars musclés avec des fusils partout. On va aller sauver la personne en détresse. La femme en détresse, là, c'est toujours une princesse ou c'est ça, une femme menacée qui est pas capable de se défendre. Donc là, l'homme est puissant, il est militarisé, il a des armes, puis on va tout péter dans le jeu à cause de ça. Puis là, des exemples comme ça, là, il y en a plein. Là, l'histoire du jeu a évolué sur cette traque-là pendant un bout. Là. La technologie augmentait pour avoir des bonhommes et plus de guns. Là. Grosso modo. Puis les deux types de guns, les armes à feu puis les gros bras aussi, tu sais, la représentation, c'est justement le hyper masculine, vraiment, comme c'est ce qui est intéressant, parce qu'en plus, quand on retourne un petit peu à parler d'histoires plus locales ou, tu sais, des histoires plus ignorées, tu sais, je veux dire, des jeux, par exemple, faits par et pour la communauté LGBTQ, ça fait longtemps que ça existe, ils étaient pas nécessairement mis sur le marché comme il était à la base. Il y a d'exemples de jeux, par exemple, qui ont été faits pour représenter certains types d'expériences, qui, par exemple, puis après ça, ils ont été masqués, là, ils ont été modifiés pour pas que ça paraisse, puis ils ont été released quand même, mais ces jeux-là ont toujours existé, puis des fois, évidemment, c'était juste des petits jeux locaux faits juste pour une petite communauté, puis finalement, ça a été là. Fait que ça, c'est des choses aussi que je pense qui est tellement important, justement, de préserver, puis de parler, puis de rechercher, parce que c'est vrai que pendant vraiment longtemps, puis encore aujourd'hui, évidemment, justement, ce genre de fiction militarisée-là est vraiment hyper puissante, puis est vraiment là. Mais si on fait juste focusser sur le mainstream, c'est juste ça qu'on va, ou presque juste ce qu'on va voir. Fait que si on commence pas à aller commencer à regarder un petit peu dans les broussailles pour voir qu'est-ce qui se faisait aussi en même temps. Puis des fois le même genre de monde, quelqu'un qui travaillait, mettons, sur un battlefield, qui va peut-être aussi sur son temps libre faire des plus petites affaires, tu sais. Des fois tu travailles pour une compagnie, puis c'est juste parce que t'as besoin d'argent pour pas mourir de faim. Fait que tu fais tes petites choses on the side, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est une des choses pourquoi c'est si important de préserver le jeu, puis par, entre autres, des approches comme l'histoire orale ou peu importe, mais juste focusser sur ce qui est plus petit, tu sais, ce qui est plus... ce qui fait pas partie du canon, carrément. Parce que, tu sais, j'avais mentionné les studios indépendants, là, que là, il y en a plein à Montréal qui font d'excellents jeux, ben... Des développeurs indépendants ou quelqu'un tout seul là, qui fait un jeu dans son sol, c'est quand même pas nouveau. Là. Surtout à l'époque, là, t'avais ta petite disquette puis tu pouvais aller la porter là, à ton Radio Shack du coin ou ton magasin d'informatique dans un Ziploc. Puis tu pouvais distribuer ton jeu dans un truc super local, mais il y avait des gens qui faisaient des jeux justement chez eux, tout seul, sur un ordinateur, un Commodore, peu importe. Puis qui les distribuaient eux-mêmes. Ces jeux-là, ben, ont pas la distribution de Steam ou sont pas aussi faciles à trouver maintenant. Mais il y a des sites comme justement Lemon64 qui a été tenu par des fans. Mais là, c'est un répertoire de jeux de Commodore 64. Il y a des petits jeux indépendants, puis des jeux plus nichés ou des jeux LGBT, LGBTQ, des jeux complètement différents. qui ont pas été distribués, mais qui ont été faits, qui sont là, qui sont disponibles. Fait que justement, eux autres, ils ont été préservés, sont en ligne, mais ça revient aussi au fait que c'est en ligne, c'est fait par, c'est tenu par des fans, puis ça pourrait disparaître sans trop qu'on s'en rende compte. Fait qu'il faut aussi garder un œil là-dessus, puis faire attention. Ah, le serveur du site foire, puis ça se peut que tout soit perdu, tu sais. Encore là, ça revient à l'instabilité de l'Internet que je parlais plus tôt. Puis, tu sais, si je peux rajouter aussi une petite chose aussi que sur ce que tu as mentionné avec des Lemon 64, des choses comme ça. Oui, tu as plein de petits jeux de la communauté LGBT, qui sont, par exemple, qui vont être sortis là. Mais tu as aussi plein de choses vraiment wrong aussi. Tu sais, il y a des jeux fascistes, ouais, par exemple. Tu sais, des choses qu'on veut pas penser. Il y en a peut-être qui... Je me rappelle plus du nom du jeu, mais il y a peut-être du monde qui vont se rappeler d'avoir entendu parler, mais il y avait un petit jeu sur RPG Maker qui avait été fait pour, dans le fond, The Columbine, carrément. Tu sais. Fait que, tu sais, ouais, il y a un documentaire dessus, Bowling for... Ouais, non, ben, Bowling for Columbine, c'est pour la tuerie elle-même, mais oui, il y a un jeu qui a été fait dessus, tu sais. Puis c'est un peu problématique, disons-le comme cela. Mais justement, tu sais, ça te montre autant qu'il y a des choses vraiment cool puis merveilleuses qui sont sorties, qu'il y a des choses aussi qui vont pas dans le mainstream, mais qui sont justement, il y a des bonnes raisons pourquoi ils sont pas là. Ouais, mais il y a vraiment comme un documentaire qui a été fait sur ce jeu-là. Ah. Je l'ai vu au FNC, je pense, en 2009, quelque chose de même. Mais je me rappelle plus du titre. Fait que je vais peut-être te le marquer dans les notes de bas de page pour l'émission. Juste une petite affaire. Quand j'ai fait mon entrevue avec Carl Terrien et quelques étudiantes, voilà quelques mois maintenant, on a justement parlé des jeux queer, LGBTQ, puis il y en a comme 30 000 apparemment de répertoriés. Donc, y en a autant, sinon plus, que les jeux militarisés, guns, on te tire d'en face. C'est juste que sont pas considérés souvent comme des jeux, entre guillemets. Parce que, t'as pas de gun, t'as pas une mitraillette, c'est pas un vrai jeu. Puis aussi, comme le gameplay, tu sautes pas sur des plateformes ou quelque chose, t'explores c'est des jeux à base textuelle souvent. Plus visual novel. Ouais, c'est ça. C'est souvent comme mis de côté par les vrais gamers, peu importe ce que ça veut dire. T'sais. C'est ça qui est intéressant aussi, puis je trouve que c'est ce qui est très limitant, dans le fond, aux jeux vidéo, tu sais. De voir le jeu vidéo juste, mettons, comme des jeux de combat ou des jeux de tir, des choses comme ça, tu sais. Ça te limite tellement sur ce que tu peux faire, puis les choses absolument merveilleuses que tu pourrais faire avec ce qui englobe le jeu vidéo, justement, que ce soit des expériences plus textuelles ou pas, tu sais. Puis surtout que les jeux textuels, ça existe depuis les tout débuts des jeux vidéo. Là, on pense à Zork, par exemple, ou, tu sais, des choses comme ça, là, qui ont toujours été là. Fait que, tu sais, de dire que ça, c'est pas un vrai jeu vidéo, c'est probablement une des plus grandes ironies. Puis ça te montre aussi comment, justement, il y a beaucoup de real gamers, là, avec des gros guillemets. Là. On me voit pas, là, mais je pense que je pourrais pas faire les plus gros guillemets avec mes doigts présentement, là. Tu sais, c'est tellement ironique, puis de voir qu'ils ont aucune connaissance, dans le fond, de ce qui est l'histoire du jeu vidéo, puis l'histoire en général. Parce que quand tu cherches, quand tu grattes juste un petit peu, tu te rends compte extrêmement rapidement que les jeux à base textuelle, il y en avait beaucoup au début de l'histoire du jeu vidéo. Puis de dire que c'est pas des jeux, c'est un petit peu... Je vais laisser les gens décider du mot que je pensais dire. Un peu mystère. C'est un peu wacky. Exact. C'est exactement le mot. On va parler de gazon, limite. Le gazon, c'est un peu comme, c'est une plaie moderne, là. C'est pas quelque chose qui existe. Le gazon, c'est un ordre de plantes qui existe naturellement, mais sur les terrains, en ville ou n'importe où, où est-ce qu'il y a une maison, que les beaux gazons verts bien coupés, c'est pas naturel. C'est nous, on entretient ça pour avoir une esthétique particulière. Puis souvent, exact. C'est